Le porte-parole du Comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique a lancé le 7 une communication. En voici le résumé. Le département américain à la défense vient d'élaborer et publier des projets d'attaque militaire sur l'ordre de Trump de concevoir des projets de riposte variés à la provocation de la Corée du Nord. Les États-Unis déclarent que ces projets seront présentés directement au président si la Corée du Nord prend des mesures stratégiques, alors que Trump aussi a dit que l'époque de la patience stratégique à l'égard de la Corée du Nord a pris fin et qu'il a des programmes très puissants et fermes à l'égard de la Corée du Nord, sans dissimuler la tentative d'attaque militaire à l'égard de notre pays. Surtout, surpris par notre réussite au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale, les Américains se sont mis à la démonstration des missiles balistiques avec les bellicistes sud-coréens pour empirer la situation. Une telle démarche militaire provocatrice et dangereuse est un emportement désespéré des États-Unis extrêmement épouvantable face à notre capacité nationale inépuisable et à notre position stratégique à un niveau plus élevé. Donc, cela montre que les manœuvres hostiles de l'administration Trump à l'égard de notre pays sont parvenues à une étape très téméraire. Nos militaires et civils sont déjà prêts à répondre volontiers aux choix militaires fanatiques de Trump. Si les Américains ont des projets d'attaque militaire pour nous maîtriser, il faut savoir que nous avons nos propres projets de riposte militaire redoutables, ceux d'opérations visant à réduire en cendres les États-Unis. Une fois éclatée la guerre, les autorités sud-coréennes aussi, qui cherchent à camoufler la tentative de première offensive des Américains sous couvert de dialogue et de rôle principal, ne peuvent pas survivre. L'attaque militaire aventureuse contre notre République sera le pire choix anticipant la fin des États-Unis et de leurs subalternes.